L'œuvre classique du président Kim Il-sung, Que les cadres soient les vrais serviteurs du peuple, vient de paraître en brochure à l'occasion du 7e congrès du Parti travail de Corée à la maison d'édition de Dominique Calbis.